Après la critique au vitriol de Léa la semaine dernière à propos des visiteurs, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse ma propre opinion. Un film peut quand même pas être aussi mauvais. J'ai donc décidé d'aller le voir. Aïe. Oui, je sais, c'est mon côté maso. Alors, comme mes journées sont plutôt bien remplies, je suis allé voir les visiteurs un soir au cinéma des cinéastes près de chez moi. La salle était vide. J'aurais dû me méfier. Alors, dans un premier temps, j'ai trouvé que Léa avait la dent dure. Certes, le film est en noir et blanc. Mais bon, nous sommes revenus en 1942. D'accord, Arletty était sans doute meilleur dans Hôtel du Nord. Mais il me semblait quand même que Marcel Carné avait réussi un film plutôt correct, plutôt bon même, qui ne méritait pas en tout cas d'être descendu en lance-flammes. J'en étais là de mes réflexions quand, au bout d'une heure, tout de même intrigué de n'avoir toujours pas vu Jacouille la fripouille à l'écran, j'ai décidé de quitter la salle où j'étais tout seul pour aller m'enseigner auprès du projectionniste. Celui-ci m'a appris alors qu'il n'y avait pas de Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs du soir. Mince alors. Christian Clavier commençant à se faire vieux, désolé Gilles, il a sans doute décidé de ne plus jouer le soir pour être sûr de ne pas rater Plus belle la vie. J'ai décidé donc de revenir le lendemain et pour être sûr de le voir, j'allais à la séance du matin. On m'aurait pas deux fois. Et pour changer, j'allais juste en face au cinéma Pathé Weppler. Et ben là, vous me croirez si vous voulez. Mais non seulement ils avaient colorisé le film pendant la nuit, mais en plus, ils l'avaient rendu mauvais. Par contre, Léa, permets-moi de ne pas être d'accord avec toi, ce film ne mérite pas d'être descendu au lance-flammes. C'est trop gentil. C'est du napalm. Pour qu'il n'en reste rien. Enfin, rien, rien. Sauf pour Jean Reno. Oui, on ne touche pas à Jean Reno, Léa, même quand il est mauvais. Oui, car moi, je suis Reno. J'ai toujours été Reno, comme d'autres sont Peugeot ou Citroën. J'ai donc décidé dans ma bio au Bifidus Actif aujourd'hui de sauver le soldat Reno. Alors tout d'abord, on a beaucoup reproché à Jean Reno de toujours jouer le même rôle d'homme dur, très sérieux. Mais avait-il le choix? Il fallait bien ça pour se débarquer de son père. L'immense comique, Fernand Reno, qui se tua au volant d'une Mercedes. Ironie du sort. Ah, une réaction sur hashtag Pantex. Jean Reno était également parent avec le chanteur Renaud. Ma réponse sera brève, cher auditeur. Casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Pas mal. Alors très touché par la mort de son père, Jean Reno jura qu'il ne jamais conduire de voiture et devint routier. Ce fut sans doute la plus belle période de sa vie. Il chantonnait toute la journée, je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je vais à Lyon. Jusqu'au jour où il eut un accident. Il rentra dans un taxi, conduit par Luc Besson. Il tapa dans le pare-brise et se fit un grand bleu. Impressionné, Luc Besson lui confia immédiatement un rôle dans son prochain long, très très long métrage. Le contrat fut rapidement signé autour d'un bon sandwich au Subway du coin. Et suite à cela, Jean Reno n'y quitta plus Luc Besson. Enfin, c'est ce qu'il croyait, que ce serait son dernier combat. Il allait même jusqu'à refuser le rôle de l'agent Smith dans Matrix, pourtant un film avec un X, pour jouer dans un film X, Godzilla. Oui, je sais, j'ai fait Godfigure la semaine dernière et je n'exclus pas de faire Godfavor la semaine prochaine. Je les prends un par un. Par un, Godfavor, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ce refus ne l'empêchera pas de jouer plus tard Godfroid. Un rôle tout en profondeur. Dans le cul, il a eu beaucoup de mal à réchauffer ses partenaires. Alors, pour la petite histoire, il a même été envisagé à un moment que le personnage s'appelle Godfroid de Monde-Vénus. Mais comme la SNCF était partenaire, on a miraillé. Oh là là. Ce film s'est fait grâce à Michel Serrault qui passait son temps à se poirer avec Jean Poiret, qui lui présenta Jean-Marie Poiret, qui lui rendait visite. Séduit par le scénario des visiteurs, Jean Reno en va jusqu'à oublier sa peur des voitures et exige une DeLorean de fonction. Le film fera 14 millions d'entrées. Jean Reno deviendra riche et donc ami de Nicolas Sarkozy. Ce qui lui vaudra une enquête corse. Les Visiteurs 2 ne faisant que 6 millions d'entrées, mais pour faire aussi bien, c'était mission impossible. Quant aux Visiteurs 3, comme on dit au SAMU, on ne tire pas sur une ambulance. Il faut quand même savoir que, conscient que ce film a donné la migraine à de nombreux spectateurs, les producteurs ont décidé de lancer immédiatement le suivant. Il n'est pas certain qu'il soit meilleur, mais cette fois-ci, ils ont pris leurs précautions. Il s'appellera Les Visiteurs Médicaux. Merci. Bravo Jean-Paul. Merci. On a encore fait bien marcher le cerveau. Là. Oh là là, ça fait du bien, ça fait du bien.